À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, les rassemblements, séances de films et expositions de photos ont eu lieu les 12 et 13 en Malaisie et au Bangladesh. Les photos sur les exploits du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du camarade Kim Jong-un y ont été exposées. À la séance de film, on a projeté le documentaire coréen « Le monument à la triple charte de la réunification de la patrie ». Aux cérémonies, on prépare les personnalités et autres habitants des pays hôtes.